Une leçon sur le Talmud par Grace Pierantoni Mancini. Elles étaient toujours bien sales et bien étroites, les ruelles de ce quartier de Rome, exclusivement habitées par des Juifs. Depuis longtemps déjà, le ghetto n'était plus fermé chaque soir par des portes de fer. Pourtant, en dépit des progrès de la civilisation, il conservait son cachet étrange et ineffaçable. On pouvait le détruire, non le changer. À la devanture des boutiques noires se balançaient des logs informes de toutes couleurs. À l'intérieur, on apercevait des marchandises d'aspect misérable, entassées sans soin, comme si l'on eût voulu les dérober au regard des passants. Mais lorsque quelques connaisseurs, tentés par les objets qu'ils pensaient méconnus, se hasardaient à en demander le prix, on lui faisait vite comprendre que cet abandon apparent n'était qu'un appât destiné à favoriser la vente. Des hommes malpropres, terreux, pâles, aux traits fortement accentués, invitaient d'une voix nasillarde les clients à pénétrer dans les magasins ou débattaient longuement les prix avec les acheteurs qui, au courant de leur méthode, avaient soin d'offrir seulement le quart de ce qu'on leur demandait. Les femmes, au contraire, très belles et vêtues avec une rare propreté, s'occupaient sur le pas des portes à des ouvrages de reprisage auxquels elles excellent et levaient rarement leur visage encadré de tresses noires très épaisses. Cependant, si le client était de leur goût, elles savaient lui lancer à la dérobée un rapide regard de leurs yeux brillants comme des escarboucles. À leurs pieds, des enfants chétifs jouaient dans les flaques d'eau de la rue et s'insultaient avec de gros mots. Bizarre population que celle du ghetto. Des gens sans aveu y venaient de partout vendre des habits usés, des souliers éculés et tous les débris innommables qu'on jette d'ordinaire aux égouts. De hideuses vieilles entraient en se dissimulant dans les bureaux des prêteurs à gages, ayant de gros paquets sous leur châle, dont les longues pluies d'hiver avaient effacé la couleur. Marius était trop préoccupé pour faire attention à toutes ces choses que, du reste, il avait toujours vues ainsi. Sans peine, il retrouva la ruelle boueuse qu'il cherchait, ainsi que la masure branlante du créancier de son père. Il n'en était point de pire dans ce quartier de la vieille Rome. L'escalier en était d'un abord difficile, et pour escalader les hautes marches étroites et gluantes, le jeune homme dut faire appel à toutes ses connaissances gymnastiques. En montant, il cherchait à deviner quelle espèce d'homme pouvait bien être cet Israélite d'origine étrangère, qu'on disait si savant et si fourbe en même temps. Chaque matin, on le voyait à la bourse, où il faisait la pluie et le beau temps. À son âge avancé, cette activité était l'indice d'une nature encore vigoureuse. Pourtant, comment pouvait-il grimper à cette échelle sans se rompre le cou? Tout en faisant ses réflexions, Marius, très essoufflé, parvint au cinquième étage et s'arrêta. Devant lui, une porte, noircie par les nombreuses mains qui y avaient frappé, portait une plaque de cuivre sur laquelle on lisait « Ancienne banque d'Ézéchiel » et au-dessous, une pancarte graisseuse dont l'inscription était « Leçon de langue hébraïque et explication de la loi ». Le long de la muraille grise pendait un bout de corde. Le jeune officier de marine retira sa casquette au galon d'or, s'essuya le front et tira la corde. Presque aussitôt, un guichet s'ouvrit, dans lequel vint s'encadrer un visage sanguinolent. À la vue de l'étranger, cette horrifique figure fit entendre une rauque exclamation, puis une main, aussi avenante que le visage, referma le guichet, mais la porte resta close. Marius n'était point patient. On l'avait vu, pourquoi n'ouvrait-on pas? Très nerveux, il tournait sur les trois paliers, n'osant pas sonner une seconde fois, épiant le bruit des pas et les sons qui venaient de l'intérieur. Enfin, la porte tourna sur ses gonds, lentement, avec précaution, et retenue encore en dedans par une chaîne de fer fixée sur les deux battants. Cet entrebâillement permit à un rayon de lumière d'éclairer la tête d'une horrible mégère, si vieille et si ratatinée que Marius pensa qu'il n'en pouvait exister une pareille dans le monde entier. Le visage assez large se terminait brusquement en pointe. Les lèvres minces laissaient passer une dent unique, longue et semblable à la défense d'un sanglier. Le nez recourbé et les yeux rouges étaient pareils à ceux d'un oiseau de proie. Elle était coiffée d'un madras écarlate qui laissait échapper quelques mèches grises et ébouriffées. Sur le fond lumineux, toutes ses laideurs se détachaient sans pitié, et les haillons, la voix, le geste étaient d'accord avec le visage. Quand, soutenant de ses doigts crochus un tablier tout taché, elle lui criait d'un ton guttural « Que cherchez-vous ici ?» Marius eut envie de battre en retraite. Il maîtrisa ce mouvement puéril et répondit « Je cherche M. Ézéchiel, je désire lui parler. » L'unique dent de la vieille, se mit à branler d'une façon sinistre. « Lui parler, à 7 heures, vous croyez cela possible, quand le coucher du soleil est si proche. Vous ignorez donc que lorsque le Sheina, le livre de prière, est ouvert devant lui, le monde fut-il en train de crouler, on ne pourrait entrer dans sa chambre. Alors je reviendrai. Et quand? Plus tard, à la seconde veillée, à l'heure où aboient les chiens, les étudiants vont venir. Eh bien, quand ils seront partis, ils resteront à l'écouter bien avant dans la nuit, puis debout diront les louanges de Dieu. Demain matin? Demain? Et d'où sortez-vous pour ne pas savoir que c'est samedi? Puisqu'il en est ainsi, il faut que je lui parle sur l'heure. Voici ma carte, bonne mère. Portez-la lui, en lisant mon nom, peut-être voudra-t-il me recevoir. » Le ton aimable de Marius, la grâce de sa jeunesse, les splendeurs de son uniforme, humanisèrent la vieille. Elle prit la carte, la tourna de tous côtés, ennuyée de ne pas savoir lire le nom que son maître connaissait. Puis, tirant la chaîne, elle fit entrer le jeune homme dans une petite antichambre sans fenêtre, prenant jour sur la cuisine, d'où le dernier rayon de soleil se retirait lentement. Une odeur nauséabonde renfermée saisit Marius à la gorge. Son inquiétude grandissait. Il se sentait pris d'une grande tristesse, étant sur le point de faire une démarche qui répugnait à sa nature franche et loyale. Il lui en coûtait de s'humilier devant l'ancien ennemi de son père. Autrefois, cet Ézéchiel avait failli devenir son oncle, ayant dû épouser sa tante Sarah. Puis, sa famille à lui avait changé de religion, tandis que l'autre avait de plus en plus tourné au fanatisme. Mais son père était à la veille de faire banqueroute. Ézéchiel, poussé par la haine, avait acheté les plus fortes créances. Il s'agissait d'émouvoir ce cœur de pierre. Les sentiments du soldat et ceux du fils luttaient encore dans l'esprit du jeune homme, quand la porte du fond s'ouvrit et la voix âpre de la vieille l'invita à entrer, tandis qu'elle-même s'en retournait mécontente près des fourneaux éteints de sa cuisine. Marius pénétra en hésitant dans une vaste chambre au carrelage ébréché et couvert de poussière. On y respirait la même odeur que dans l'antichambre, augmentée de la senteur forte des parchemins à demi rongés par les rats et dont les piles, entassées le long des murailles, s'élevaient jusqu'au plafond. Marius regarda autour de lui sans apercevoir personne. Enfin, derrière une montagne de paperasses amoncelée sur un bureau, il entrevit une tête grise, inclinée, immobile. Le jeune homme s'avança encore, espérant que le bruit de ses pas, éveillant l'attention, lui attirerait une parole de bienvenue ou d'impatience. Ce fut en vain. La tête ne se releva pas. Maintenant, il en apercevait la chevelure touffue, cerclée d'une large bande de cuir qui saigne le front d'une couronne étrange. L'homme à qui elle appartenait semblait occupé à regarder un objet, et lorsque Marius fut près du bureau, il vit que c'était un portrait. À la fin, Ézéchiel en détacha les yeux, mais sans se presser, et après avoir regardé attentivement le jeune officier, il reprit sa muette contemplation. Évidemment, il chercha à saisir une ressemblance entre le portrait de jeune femme qui était devant lui et les traits de Marius. Celui-ci se sentait mal à l'aise, n'osant bouger. Les petits yeux vifs du banquier l'avaient cloué sur place. Il regardait pourtant et pensait « Quel étrange personnage !» Ézéchiel était encore de forte et musculeuse apparence. La peau de son visage avait la teinte du parchemin jauni par le temps. La bouche rentrée et pincée manquait de lèvres. Le nez était droit et mince. Sous les paupières épaisses et lentes à se soulever, de petits yeux brillaient. Cependant, dans le nez, à la ligne bien marquée, dans le front dégarni et fuyant, dans les sourcils bien fournis de poils gris, les seuls visibles sur le visage rasé, sourcils pareils à une haie épineuse défendant un champ précieux, il y avait beaucoup de caractère. Et dans cette physionomie peu sympathique, il était impossible de ne pas reconnaître des signes évidents de race, d'intelligence et de fermeté. « Monsieur, » se décida à dire Marius. Le juif se redressa lentement mais sans effort. Il détendit ses membres desséchés, mais toujours élastiques, et marcha vers le jeune homme. « Celui qui reçoit le salut et ne le rend pas s'appelle voleur. Shalom, shalom. » Il croisa les bras et se mit à regarder Marius d'une étrange façon. Ses petits yeux verts pétillaient d'ironie. Marius s'en aperçut mais ne dit mot, et se contenta de saluer à son tour en inclinant la tête. « Je parie, dit Ézéchiel, que tu ne connais pas le salut de ton peuple. »« Shalom veut dire paix, » se hâta de répondre le jeune homme, se rappelant au bon moment les leçons secrètes reçues de sa tante Sarah, qui, malgré le baptême, était resté fidèle de cœur à la loi hébraïque. Et il continua, comme pour se placer sous la protection de ce souvenir et gagner par ce moyen le seul possible les bonnes grâces d'Ézéchiel. ma chère tante avait enseigné bien des choses concernant la religion, qui fut celle des patriarches. Il eût désiré pouvoir dire « de mes pères », mais en parlant ainsi, il lui semblait commettre une défection. Élevé dans la religion chrétienne, religion de sa mère, il ne pouvait la renier. C'était là une délicatesse de sentiment qu'un homme vulgaire n'eût point comprise. Ézéchiel la saisit très bien, car son front s'obscurcit. « Aux parois de ta maison, on comprend que tu fais le charbonnier », dit-il en désignant l'uniforme du jeune marin. Mais l'ironie de la phrase biblique n'était plus accompagnée de l'ironie du regard. « Malheur au navire que tu gouvernes, Marius le dit. Quel mauvais vent t'amène, toi, fils de renégat, dans la demeure du vieil Ézéchiel? Ne sais-tu pas que ton père a causé mon malheur, que ta tante Sarah est morte de chagrin par sa faute? Que viens-tu chercher ici, fils de l'homme que Dieu finira par frapper? Descends dans ton cœur, jeune homme. Ta conscience te fera comprendre qu'ainsi que l'homme châtie l'enfant, Dieu châtie son mauvais serviteur. Malheur aux fils qui ont été chassés du banquet du Père. Quoi? Ton Père a-t-il si bien oublié les saintes lois qu'il ne t'ait point averti que si votre vigne est stérile, c'est que votre maison est remplie du vol fait aux pauvres? Que n'a-t-il prêté l'oreille à la voix divine lorsqu'elle lui criait « Je vous fais don d'une saine doctrine, n'abandonnez jamais ma loi. » Il ne croit donc pas que Dieu punit les péchés des pères jusque dans le sein des enfants? Il a abandonné son maître, que celui qu'il sera présent le sauve, s'il le peut. Marius demeurait interdit sous cette avalanche de maximes qui semblait être le langage habituel de cet homme. Elle sortait naturellement de ses lèvres pincées. Au collège, dans le monde, à bord de son navire, Marius avait rencontré bien des juifs. Il ne les avait ni recherchés ni fui, ne pensant pas qu'il pût exister une différence entre eux et les autres hommes, en un siècle où la liberté de conscience a amené une sorte d'indifférence religieuse. Il se rappelait vaguement que sa tante, elle aussi, était une exaltée. Venue pour parler de créances, d'intérêts, d'échéances, il ne s'attendait pas à entendre déclamer sur ce ton. Ce juif lui remettait en mémoire certains santons orientaux, et en effet, Ézéchiel était originaire de Galicie. Son père, un rabbin célèbre, avait été chassé de son pays dans un moment de persécution. Que lui dire? Silencieux, Marius attendait. Ézéchiel s'était rassis à son bureau. Il avait mis de côté le portrait et semblait à présent absorbé dans la lecture d'un gros livre en caractère hébreu. Avait-il oublié le jeune homme? Marius s'arma de patience et s'assit sur une vieille chaise de paille rangée en demi-cercle autour de la table, comme étant destiné à attendre des occupants habituels. Tout à coup, le vieillard reprit. « Celui qui salue un autre homme avant d'avoir fait sa prière le constitue autel d'idolâtrie. Ton nom m'avait distrait de ma prière et transporté dans le monde des souvenirs. Ta vue avait mis en fermentation le levain mauvais qui est dans la pâte de l'homme. À présent, me voici tranquille, car tu as su te taire. Tu n'as pas cherché à calmer ma colère. Peut-être sais-tu que l'Écriture sainte dit « Attends, que l'aspect de la colère soit évanoui et je m'apaiserai avec toi. » Marius sourit malgré lui. Le premier moment d'étonnement passé, il s'intéressait à cette bizarre phraséologie. C'était un bel officier de marine, et son sourire frappa le juif qui, levant les bras, se prit à murmurer des mots mystérieux. Puis, il regarda encore le portrait et simplement il dit « Pourquoi maudirais-je celui que le ciel n'a pas maudit? Pourquoi mériterais-je contre un enfant que Dieu a marqué de sa main ?» La pitié l'a emporté. « Enfant, je viens de prier pour toi en mémoire de Sarah. » Son accent sincère rendait profondément poignantes ses phrases surannées. Marius fut ému. Il s'approcha du bureau, mit la main sur le portrait à demi effacé et presque tremblant, il murmura quelques mots en faveur de son père. « L'enfant demande pitié pour son père. C'est dans l'ordre, » dit Ézéchiel. « Moi-même, je puis être compatissant quelquefois. » Mais en retour, tu me devras une promesse, il faut que tu étudies la loi de tes ancêtres. » Marius se récria offensé. « Ah, je t'ai blessé. Je le sens car, pour l'intelligent, un cri est un reproche plus violent que son coup. Pourtant, je ne te demande pas de rentrer immédiatement dans le sein d'Israël. Mais si, plus tard, la connaissance de la loi illuminait ton esprit, si les malheurs, les persécutions, qui souvent frappent tes frères, touchaient ton cœur, ici encore, nous sommes à l'abri, mais là-bas, en Orient, ne sais-tu pas comment on nous traite? Tu es courageux. Que ne consacres-tu ta vie à la défense de nos mœurs, de nos lois, de nos derniers refuges que partout on détruit? Bientôt mes élèves vont venir ici. Seul, dans Rome, je puis expliquer le Talmud. de Minroshim et tout ce qui concerne la Phara. Dans mon pays seulement vit, immaculé, la tradition, et de là peut-être un messie surgira. Mais on a frappé. Voici Bob et Daniel. Ce sont deux hommes d'affaires habiles en même temps que deux rabbins éminents. Pourtant, ils ne dédaignent pas de me consulter sur leurs affaires et sur les passages contestés des vieux codes. Comme moi, ils savent remuer vivement l'argent et ranimer la foi chez nos tribus qu'un long séjour parmi les Philistins a rendu indifférente. Si tu me réponds, mets-moi dehors, je ne demande plus rien. Alors nous allons nous dire un adieu éternel. Mais si tu consens à rester, tu seras béni, car il est dit dans l'Écriture, « Dans tous les lieux où vous prononcerez mon nom, je viendrai à vous et vous bénirai. » Irrésolu, le pauvre Marius se demandait ce qu'il devait faire. S'il restait, c'était avoir l'air d'obéir aux volontés d'Ézéchiel, c'était se reconnaître prosélyte. S'il partait, c'était renoncer à tout espoir. Le Juif semblait bien disposé à son égard. Lui-même, il se sentait gagné par la curiosité d'entendre quelques-unes de ses maximes sévères, demeuré immuable pendant tant de siècles, ayant survécu à tant de persécutions et qui, peut-être, aurait dû guider son esprit. La porte s'ouvrit, et les deux hommes annoncés entrèrent. Derrière eux, la vieille servante venait, portant une grosse lampe de cuivre, d'une forme ancienne et d'un travail précieux dont les trois mèches, d'égale longueur, baignaient dans l'huile. « Shalom !» dirent les nouveaux venus en s'inclinant, une main sur la poitrine. Puis ils regardèrent Marius à la dérobée et s'assirent silencieusement. La vieille, au contraire, écarquillait les yeux et semblait vouloir faire quelques questions indiscrètes. Les mains sur les hanches, le cou tendu, la bouche ouverte, elle restait là, fixant Marius d'un air irrité. « Lia !» lui dit son maître, « ici n'est point la place des femmes. » Elle s'éloigna alors, marmottant de gros mots, parmi lesquels on distinguait ses injures caractéristiques, espion à la solde du Vatican, voleur déguisé, fils de chienne, etc. Mab et Daniel ne payaient pas de mine. Ils portaient des habits usés et du linge sale. Apparemment, c'étaient des négociants d'un ordre infime. L'un était jeune, avec une barbe noire et inculte. Au menton de l'autre pendait une barbiche roussâtre que l'âge blanchissait déjà par endroits. Marius leur trouva un aspect répugnant. Il se repentit d'être demeuré, et il allait chercher quelques moyens de s'esquiver, quand la conversation qui s'engagea entre ces trois personnages le cloua sur place. « Aujourd'hui à la bourse, disait Rab, on n'offrait pour rien les effets de la maison Lodi. » Un regard du maître de la maison lui fit baisser la voix, et Marius n'entendit plus rien. Il feignit alors de s'éloigner discrètement pour considérer de plus près quelques volumes de la bibliothèque. Bientôt le ton de la conversation s'éleva de nouveau. Habitué, pendant les nuits silencieuses passées sur le pont de son navire, à percevoir les moindres bruits de la nature au milieu du calme effrayant de l'océan, le jeune officier saisit le sens de quelques paroles. On parlait de son père. Sans manifester son émotion, il dressa l'oreille et écouta. Ne lui accordez aucun répit, ou il vous échappera. Le crédit foncier prêtera la somme. Les actions de la Banque de Rome sont en hausse. Il faut encore acheter des créances, il y en a tant. » Tous ces mots arrivaient, détachés, aux oreilles de Marius. Bien qu'ignorant des manœuvres de bourse, il comprenait qu'on complotait quelque intrigue destinée à faire éclater la faillite de son père. Cela lui ôta instantanément tout penchant à la religion hébraïque. Le conciliabule des trois hommes dura bien 10 minutes. Alors Ézéchiel, se souvenant de son rôle, reprit son air de prophète. « Ami, dit-il. Ce jeune homme est de notre sang, mais il est à jeun de textes sacrés. Il va s'instruire à mon cours. Justement, voici mes élèves. Asseyons-nous, et Dieu viendra juger avec nous, car il est dit, il jugera au milieu des juges. Mais voici Zone, Mescandre, Saül, Élézière, Isaïa. Qui manque encore? Ah, le petit Benjamin. Mais il arrive. Enfant, tu oublies les préceptes. Ne t'ai-je pas enseigné les 6 choses qui déshonorent un étudiant de la loi? Certes. Répondit Benjamin, brun adolescent aux yeux brillants et la voix aigrelette. Il se mit en devoir de débiter sa leçon d'une seule haleine. 6 choses déshonorent un étudiant de la loi. Sortir parfumé dans la rue. Marius aurait prêté serment que cela ne devait arriver à aucun de ceux qui l'entouraient. Ou avec des souliers rapiécés. Benjamin jeta un coup d'œil rapide sur son soulier droit, lequel était troué, il est vrai, mais non rapiécé. Ou seul la nuit. « Pour cela, non, pensa l'enfant, j'aurais trop peur. S'arrêter avec une femme, précisément Je suis en retard pour avoir causé un peu longuement avec Rachel, fréquenter les endroits où va le peuple, comme le cabaret où je dîne, et être le dernier à entrer à l'école. C'est bien, Benjamin. Et tu le sais, heureux le disciple à qui le maître déclare qu'il a bien parlé. Mais aussi Maxime que tu as cité, on peut en ajouter d'autres. Par exemple, il ne faut jamais courir dans la rue. Et hier, tu courais à toutes jambes. Rappelez-vous, enfant, qu'il vous appartient de donner le bon exemple. Vous devez maintenir intactes dans cette ville les mœurs et les traditions. Et toi, Zone, que ne me dis-tu pas les préceptes qu'a oublié ton ami ? Zone était long, maigre, très laid et fort sale. Son âge était problématique, sa nationalité douteuse. Il n'avait aucun des caractères de la race juive. Ses yeux étaient bleus et regardaient de travers. Son nez pâté se dessinait à peine sur sa figure, tandis que sa bouche, immense, s'ouvrait largement d'une oreille à l'autre. Il se leva et, se dandinant, tournant entre ses mains sa casquette graisseuse, il balbutia à voix basse. « Il ne doit point prendre la chemise des mains du serviteur. » Hélas, Zone n'avait pas de serviteur et changeait bien rarement de linge. « Il ne doit point se faire laver les mains par celui qui ne sait pas laver lui-même. » Se lavait-on jamais dans le monde qu'il fréquentait ? Il ne doit rendre la tasse de vin d'asperge qu'à celui qui l'a offerte. Le vin d'asperge, est-ce bon ? Songe à Marius. Et toi, Isaïa, quelles sont les choses qui abrègent la vie humaine ? Sorte de nain à grosse tête, Isaïa aurait pu répondre en connaissance de cause. C'est le rachitisme. Mais tirant de ses poumons une voix stridente pareille à celle de la cigale, il commença. Trois choses abrègent la vie humaine. Ne pas lire un livre saint quand on nous le donne pour le lire, ne pas répéter la prière après chaque repas, traiter les autres avec orgueil. Tandis que les élèves répétaient ces étranges passages d'un code qui n'était plus en harmonie avec la société moderne, Ézéchiel ne perdait pas Marius de vue. Du coin de l'œil, il suivait tous ses mouvements, épiait le jeu de sa physionomie mobile, et un sourire sarcastique plissait ses lèvres. Et son regard semblait lui dire « Tout cela n'est-il point très beau ?» « Ce n'est pas incompréhensible. Profite de ces bonnes leçons, si tu le peux. » Mab et Daniel, indifférents à la leçon, parlaient à voix basse des nouvelles de la bourse. Quant au petit Benjamin, il tirait la langue, découvrant une largeur de bouche qui n'avait d'égal que l'étroitesse de ses idées. Marius n'en pouvait plus. L'air nauséabond de cette chambre l'asphyxiait. Il se leva, mit instinctivement la main sur sa poitrine et murmura « Shalom ». Tous les autres en chœur lui répondirent « Shalom ». Mais dans cette parole de paix, chacun avait mis une intonation diverse, et ce même mot prenant à la fois une signification de colère, d'ironie, de moquerie enfantine, semblait devenir dans leur bouche une menace de guerre. « Tu nous quittes, » dit Ézéchiel, « soit, mais auparavant, écoute notre prière. » Il se leva, son visage devint sévère. « Seigneur, prête l'oreille à l'oraison de tes serviteurs. Fais resplendir de ta présence le tabernacle désolé. Pourquoi les foules s'agitent-elles contre nous ? Pourquoi les nations s'irritent-elles et nous font-elles la guerre ? Si telle est ta volonté, Seigneur, accorde-nous fraternité, paix, amitié. Augmente dans ce pays le nombre des étudiants de la loi. Mets dans notre cœur la crainte de ton nom et que ta grâce amène en nous la tranquillité de l'âme. » Cette prière ne manquait ni de noblesse ni de beauté. Marius s'associa bien volontiers à ses souhaits, puis, par une bizarrerie de son esprit, passant subitement d'un sentiment à un autre, il regarda avec respect cet homme extraordinaire qu'il ne pouvait ni comprendre ni juger. « Tu finiras sans doute par être des nôtres, » lui dit tout bas Ézéchiel en l'accompagnant jusqu'à la porte. Mais les tourments de Marius n'étaient point terminés. Dans l'antichambre, il retrouva la vieille qui se dressa devant lui comme un épouvantail. « Ah, je te connais à présent !» lui cria-t-elle aigrement. « Tu es de la race de ces chiens qui l'ont tant fait souffrir. Dans ce temps-là, je lui disais souvent, « Cours plutôt après un lion qu'après une femme. » Mais il était ensorcelé, quoi. À présent, il est vieux. Il a retrouvé sa tranquillité. Il a un ménage, car je le soigne bien. Je suis du même pays que lui. Que voulez-vous donc de nous ? La bourse ou la vie, ainsi que des brigands ?» Marius voulait éloigner la vieille femme de son chemin. Voyant qu'il n'y réussirait point par de simples paroles, il la prit par le bras, la mit de côté et passa. Et tandis qu'il se précipitait dehors, il put entendre la vieille criant sur le palier « Va-t'en, voleur de chrétiens, espion du pape, ensorceleur !» Dans la petite rue du ghetto, Marius pensa ne plus se reconnaître. Les magasins étaient fermés. des pauvres maisons vermoulues mais illuminées à l'intérieur par des chandelles dont la clarté tremblante faisait apparaître des ombres fantastiques, sortaient des voix joyeuses d'enfants, s'envolaient des chants, s'élevaient de pieuses prières. La lune nouvelle se levait lentement derrière les antiques toitures, tandis qu'à l'opposé, le soleil descendait à l'horizon, pareil à un roi mourant qui se couche dans son manteau de pourpre. Les masures délabrées, s'il est en plein jour, semblaient revêtir, à cette heure troublante du crépuscule, un aspect pittoresque et poétique. L'air tiède et léger était d'une transparence infinie, et le souffle embaumé du printemps apportait un parfum de jeunesse jusqu'en ce coin perdu de la ville éternelle. La solitude s'était faite presque subitement dans ce quartier où tout à l'heure encore retentissaient les appels nasillards des marchands, les cris aigus des enfants se roulant dans la boue. Le jeune homme déboucha sur la place d'El Jésus, au moment où la grosse cloche de l'église sonnait l'Angélus. Là aussi, on prie, songea-t-il, car en tout lieu, l'humanité cherche à conquérir le ciel. Mais alors, pourquoi tous ces rites dissemblables? Pourquoi toutes ces querelles dogmatiques? Pourquoi toutes ces guerres au nom de la religion? Pourquoi tous ces crimes commis dans le but de satisfaire un Dieu que chacun cherche au fond de son cœur? Naturellement, nul ne répondit à ces questions. Mais soudain, un grand apaisement se fit dans les pensées de Marius. Trois divines visions venaient de lui apparaître dans le ciel bleu où s'allumaient les étoiles. L'océan, sa mère et la jeune fille qu'il aimait. C'était une leçon sur le Talmud par Grace Pirantoni Mancini.